C'est un cas d'urgence. On se dit, non, il ne va pas le faire. Et si? Non, si, il l'a fait. Les motards sont des usagers très fragiles. Et plutôt que d'injurier celui qui commettrait l'irréparable, il est plus intelligent de glisser rapidement le pied de l'accélérateur vers la pédale de frein pour sauver la vie du motard. Personne ne me suit. Je peux agir en toute sécurité. Je freine. Réponse A.